On va parler avec notre ami Tony Guzzo, c'est le site internet du blitznfl.com. Salut Tony. Salut Danny. Tony, on va parler un peu de ce qui s'est passé la semaine passée. Tu sais, moi, même s'il peut avec les Pats, Tom Brady, ça reste mon sportif préféré. Sauf que tu trouves. Moi, je suis le premier à dire qu'il aurait dû se retirer. On a déjà parlé. Ouais. Tu sais, calmons-nous les nerfs, là, avant de dire que c'est une saison de trop, là. Tu sais, Ouais, il ben. n'y a pas eu de match pré-saison, il y a tout un système à prendre. Il affrontait une bonne équipe, les Buccaneers de Tampa Bay. Calmons-nous les nerfs, là. Ouais, ben, t'as raison, oui. Sauf que des fois, on va trop vite après une saison, là. Faut pas sauter aux conclusions. Mais, tu sais, Tom Brady, moi, les corps arrière, ça me fait penser un peu les gardiens de but au hockey. Ils ont Ben des. oui, Carey Price, Ils ont tu des sais. personnalités, puis ils ont des choses à prouver. Puis Tom Brady, c'est sûr que là, j'ai hâte de voir, mais c'est quelque chose de nouveau. Tu sais, après 20 ans, comme tu dis, là, dans la situation COVID, tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup de succès. Fait que on dirait qu'il veut comme prouver que, tu sais, il voulait jouer comme quasiment jusqu'à 45 ans, là, mais ça a été un début, fallait s'en attendre, tu sais, il y a pas de surprise là, sauf que, tu sais, je veux dire, l'équipe autour de lui, surtout la ligne offensive, doit l'aider, puis il faut qu'il s'ajuste là. On va voir, on va lui donner, moi, vu qu'il n'y a pas eu de pré-saison, puis pas eu beaucoup d'interaction avec son équipe, là, je donne quand même un bon 3-4 Ah oui, il n'y a semaines. pas eu de match pour saison, fait que tu Puis, sais. mais là, tu vois, c'est drôle parce qu'il y en a qui sortent des affaires comme quoi que quand il perd le premier match de la saison, il gagne le Super Bowl. Mais... Ouais, et Bruce Arians est quand même. Bruce Arians était dur aussi avec lui, moi je trouve en tout cas là. Ouais, ben oui, mais c'est correct parce qu'il faut qu'il démontre, comme tu dis, tu sais, je veux dire, tu veux jouer, tu as voulu changer d'équipe, démontre-nous ça. Fait que lui, il continue. C'est le genre de coach que, tu sais, il va pas comme mettre un peu Tom Brady de côté. Ce que Brady, je pense, va avoir peut-être la misère parce que Belichick l'a quand même laissé aller dans un sens, là. Fait que Bruce Arians va continuer. C'est son style de coaching, par exemple, à Bruce, là. Il va le piquer d'une bonne façon. Puis on va voir comment il va réagir, là. On va voir comment s'il perd encore cette semaine, Brady. Parce que normalement, il rebondit quand même favorablement. Fait qu'on va voir comment on va voir cette deuxième semaine-là. Mais c'est un message aussi, tu sais, des fois, là, c'est dans le coaching, on va piquer le meilleur joueur, mais ça va piquer aussi tout le reste de l'équipe. Ouais, ok, on va y aller avec les matchs de la fin de semaine. Moi, j'en ai retiré trois évidemment, mes Pats qui ont. Écoute, l'opposition n'était pas forte. Hein. Les Dolphins, ben, tes Dolphins, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Par contre, ils vont affronter les Seahawks. C'est un gros test pour la troupe de Bill Belichick. Oui, c'est bien le fun. C'est le match à surveiller en fin de semaine, un dimanche soir. Ça va être seulement la deuxième fois qu'ils se rencontrent après le Super Bowl en 2015. Ah, ok, ouais. Donc, ils se sont pas vraiment vus comme tels. À Seattle, je pense qu'il n'y a pas de spectateurs. Donc, ça va être intéressant à voir. Ben là, c'est parce que Seattle est une des villes les plus brillantes aussi, là. Ça change la donne aussi, là. Oui, Une fille exactement. les plus Puis, brillantes. ouais, ben c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est un gros test pour Bill Belichick, toute la gang, Cam Newton, mais il faut donner, ils ont bien joué. Et encore, le génie de tes pattes, c'est Belichick, là. J'adore comment ils vont approcher cette saison-là. On va voir beaucoup de jeux au sol. Puis ça pourrait peut-être aussi nuire aux Seahawks, mais je dois donner l'avantage aux Seahawks dans ce match-là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est quand même intéressant de voir comment ils ont ajusté le livre de jeu en fonction de Cam Newton. Puis Cam Newton, là, quand Il il sent vraiment sent... dans des bonnes conditions. Il sent vraiment, hein? Ah oui, puis c'est ça, Cam, dans des conditions comme ça, il va s'amuser. Comme tu dis, c'est sûr, ils ont affronté les Dolphins, mais en première semaine. Mais tu vois que ça a été une belle pratique pour un gros match ce dimanche soir. Deuxième match à surveiller, c'est le match, ça va avoir lieu à le Monday Night Football, le premier match de l'histoire des Raiders qui, plusieurs les voient, écoute, moi je les vois comme dans l'une du meilleur deuxième. Oui, ben c'est. Je dis pas qu'ils vont être meilleurs deuxième, mais ils pourraient Non, non, être dans la mais lutte. je sais qu'est-ce que tu veux dire parce que ça a sorti très positif, les Non, oui. Raiders, l'entre-saison, les fameux changements. Moi, mon point d'interrogation, c'est encore avec le corps arrière Derek Carr et coach John Gruden parce que ils ont toujours démontré que c'était pas l'amour fou entre les deux. Gros match dans le nouveau stade Allegiant Stadium, comme puis comme on aime le football, comme on aime les Raiders, comme on aime le black and silver là, mais c'est dommage qu'on verra pas les fameux fans des Raiders dans un match comme ça parce que ça aurait pu être bruyant tout ça. Contre les Saints, ça va être un gros test aussi. Mais comme tu dis, dans l'Ouest, ils peuvent aller chercher comme le meilleur deuxième, comme tu dis, mais ça va être difficile. Je suis pas convaincu encore. C'est drôle, vous allez m'entendre répéter la cassette là, pour les 4 premières semaines. J'attends pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Puis, je pense que je l'avais prédit, il y a beaucoup de blessures hein, qu'on voit là, en début Anthony de saison. Auclair ne sera pas en uniforme d'ailleurs, c'est confirmé. Pardon? Anthony Auclair ne sera pas en uniforme pour les Bucks, Oui, donc exactement. T'sais, pour les 49ers, ils ont perdu, t'sais, ils ont des gros blessés. Donc, on voit de grandes blessures déjà en partant. Donc, ça va vraiment. Il faut que les équipes doivent être patientes tout au long de la saison. Mais gros match lundi soir. C'est le fun. C'est des matchs à grande écoute. On n'a pas. C'est pas une grosse deuxième semaine, comme même dimanche, les matchs d'1 heure, il faut que j'attende presque à 4 heures pour voir un bon Tu match, là, aussi. parles de code d'écoute. T'as-tu vu ça cette semaine? Je pense que la NFL, la première semaine des codes d'écoute, c'est 23% de moins. T'as-tu vu ça l'année passée? Ouais, puis on a même j'ai même écrit de quoi là-dessus cette semaine. Fait que ben ils ont eu ça a été des cotes d'écoute mitigées parce que globalement le seul gros match qui a été le fun de voir, c'est que tout le monde attendait après les Bucks. Fox a connu. M'a posé une question, Tony. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas de foule, ça peut-tu aider? Ça peut-tu Ben aider? normalement, s'il n'y a pas de foule, ça augmente les cotes d'écoute, là. Ouais, mais il C'est manque de quoi pareil, toi, Tony? Il manque de quoi au spectacle, puis les foules font partie du spectacle. Ah oui, tout à fait. Puis, Mais tu tu sais, sais, je veux dire, même la NBA est en baisse de cote d'écoute également. Est-ce que ça, c'est... Ben, on a peut-être une écœurantite aiguë avec les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le monde, là. Faut pas s'en cacher, là, avec la pandémie. C'est vraiment dommage. Mais pour venir aux foules, tout ça, hier soir, le match entre Cincinnati et Cleveland, il y avait quand même, ils ont accordé 10%, donc 6 000 personnes. Un Ça donnait fond. au moins une petite ambiance de Ouais. plus que pas personne, puis mettre des cartons avec des faces des gens là. Mais ça a été mitigé dans les cotes d'écoute, mais ça a été comme au niveau de la distribution des matchs pour commencer. Les duels ont quand même plus ou moins intéressé les gens. Il faut quand même comprendre que les matchs de la première semaine ont tout de même surpassé le reste de la programmation de toutes les autres qui s'est passé à la Oh, télé dimanche, là. oui, c'est ça, mais c'est quand même révélateur. Donc, on va surveiller ça de tête à tête. Et le troisième match, je reviens au match de la fin de semaine, c'est Baltimore-Houston que j'ai choisi comme troisième match. Moi j'ai ce match-là aussi à égalité avec les Chiefs contre les Chargers aussi, vu Ouais, ok. Premier c'est match, là que c'est... je c'est ça c'est là que je veux voir justement là. Tu parlais des Raiders là, mais moi j'ai hâte de voir les Chargers dans cette division-là. Mais pour venir à Baltimore-Houston, oui, c'est le match à voir à 4 heures. C'est à cette heure-là, vous pouvez peut-être ramasser vos feuilles, vu qu'on commence déjà l'automne quasiment. Mais à 4 heures, les matchs commencent à être plus intéressants. C'est toujours, toujours excitant de voir deux corps arrière immobiles comme Lamar Jackson contre Deshaun Watson. Baltimore vont être en mission. Ça va être vraiment une des équipes à voir qui sont dans la course pour le championnat de l'AFC. Moi, je suis très déçu. Houston a beaucoup de choses à travailler, puis ça risque d'être un match critique pour les Texans pour le reste de la saison parce qu'ils ont fait tellement des mouvements de personnel, de transactions bizarres et avec beaucoup d'interrogations. Donc, je ne sais pas comment l'équipe va répondre, mais les Texans ont beaucoup à travailler. Baltimore, c'est l'une des équipes les plus balancées. Puis, à cause de toute cette pandémie-là, toutes les équipes avec un bon coach puis une bonne équipe, un bon noyau qui n'ont pas trop changé, ben c'est eux autres en ce moment qui connaissent du succès après cette première semaine. Oui, effectivement. Tony, on s'en reparle la semaine prochaine? Oui, parfait, oui. Puis bon football. Tony Guzzo, site internet, lebitsnfl.com.